Chapitre 9 de 813 par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. La redingote olive. Section 1. Midi et quart. Un restaurant près de la Madeleine. Le prince déjeune. À la table voisine, deux jeunes gens s'assoient. Il les salue et se met à leur parler comme à des amis de rencontre. Vous êtes de l'expédition, hein? Oui. Combien d'hommes en tout? 6, paraît-il. Chacun y va de son côté. Rendez-vous à 1h15 avec M. Weber, près de la maison de retraite. Bien, j'y serai. Quoi? N'est-ce pas moi qui dirige l'expédition? Et ne faut-il pas que ce soit moi qui retrouve M. Lenormand, puisque je l'ai annoncé publiquement? Croyez donc, patron, que M. Lenormand n'est pas mort? J'en suis sûr. Oui, depuis hier, j'ai la certitude qu'Altenheim et sa bande ont conduit M. Lenormand et Gourel sur le pont de Bougival, et qu'ils les ont jetés par-dessus bord. Gourel a coulé, M. Lenormand s'en est tiré. Je fournirai toutes les preuves nécessaires quand le moment sera venu. Mais alors, s'il est vivant, pourquoi ne se montre-t-il pas? Parce qu'il n'est pas libre. Ce serait donc vrai ce que vous avez dit? Il se trouve dans les caves de la villa d'Edlicine? J'ai tout lieu de le croire. Mais comment savez-vous? Quel indice? C'est mon secret. Ce que je puis vous annoncer, c'est que le coup de théâtre sera, comment dirais-je, sensationnel. Vous avez fini? Oui. Mon auto est derrière la Madeleine. Rejoignez-moi. À Garches, Cernine renvoya la voiture et ils marchèrent jusqu'au sentier qui conduisait à l'école de Geneviève. Là, il s'arrêta. « Écoutez-moi bien, les enfants. Voilà qui est de la plus haute importance. Vous allez sonner à la maison de retraite. Comme inspecteur, vous allez vous entrer, n'est-ce pas? Vous irez au pavillon Hortense, celui qui est inoccupé. Là, vous descendrez dans le sous-sol et vous trouverez un vieux volet qu'il suffit de soulever pour dégager l'orifice d'un tunnel que j'ai découvert ces jours-ci et qui établit une communication directe avec la villa d'Edlicine. C'est par là que Gertrude et que le baron Altenheim se retrouvaient. Et c'est par là que M. Lenormand a passé pour, en fin de compte, tomber entre les mains de ses ennemis. Vous croyez, patron? Oui, je le crois. Et maintenant, voilà de quoi il s'agit. Vous allez vous assurer que le tunnel est exactement dans l'état où je l'ai laissé cette nuit, que les deux portes qui le barrent sont ouvertes et qu'il y a toujours dans un trou, situé près de la deuxième porte, un paquet enveloppé de serge noir que j'y ai déposé moi-même. Faudra-t-il défaire le paquet? Inutile. Ce sont des vêtements de rechange. Allez, et qu'on ne vous remarque pas trop, je vous attends. 10 minutes plus tard, ils étaient de retour. Les deux portes sont ouvertes, fit Doudeville. Le paquet de serge noir, à sa place, près de la deuxième porte. Parfait. Il est 1h25. Weber va débarquer avec ses champions. On surveille la villa. On la cerne dès qu'Altenheim y est entré. Moi, d'accord avec Weber, je sonne, on m'ouvre, me voici dans la place. Là, j'ai mon plan. Allons, j'ai l'idée qu'on ne s'embêtera pas. Et Cernine, les ayant congédiés, s'éloigna par le sentier de l'école tout en monologuant. Tout est pour le mieux. La bataille va se livrer sur le terrain choisi par moi. Je la gagne fatalement et je me débarrasse de mes deux adversaires et je me trouve seul engagé dans l'affaire Kesselbach. Seul, avec deux beaux atouts, Pierre le Duc et Steinweg. En plus, le roi, c'est-à-dire Bibi. Seulement, il y a un cheveu. Qu'est-ce que peut bien faire Altenheim? Évidemment, il a lui aussi son plan d'attaque. Par où m'attaque-t-il? Et comment admettre qu'il ne m'ait pas encore attaqué? C'est inquiétant. M'aurait-il dénoncé à la police? Il longea le petit préau de l'école, dont les élèves étaient alors en classe, et il heurta la porte d'entrée. Tiens, te voilà, dit Madame Ernemont en ouvrant. Tu as donc laissé Geneviève à Paris? Pour cela, il lui fallut que Geneviève fût à Paris, répondit-il. Mais elle y a été puisque tu l'as fait venir. Qu'est-ce que tu dis? S'exclama-t-il en lui empoignant le bras. Comment? Mais tu le sais mieux que moi. Je ne sais rien, je ne sais rien, parle. N'as-tu pas écrit à Geneviève de te rejoindre à la gare Saint-Lazare? Et elle est partie? Mais oui, vous deviez déjeuner ensemble à l'hôtel Ritz. La lettre, fais voir la lettre. Elle monta la chercher et la lui donna. Mais malheureuse, tu n'as donc pas vu que c'était un faux? L'écriture est bien imitée, mais c'est un faux, cela saute aux yeux. Il se colla les poings contre les tempes avec rage. Le voilà, le coup que je demandais. Ah, le misérable! C'est par elle qu'il m'attaque, mais comment sait-il? Eh, non, il ne sait pas. Voilà deux fois qu'il tente l'aventure, et c'est pour Geneviève, parce qu'il s'est pris de béguin pour elle. Oh, cela, non, jamais! Écoute, Victoire, tu es sûr qu'elle ne l'aime pas? Ah ça, mais je perds la tête. Voyons, voyons, il faut que je réfléchisse, ce n'est pas le moment. Il consulta sa montre. 1h35, j'ai le temps. Imbécile, le temps de quoi faire? Est-ce que je sais où elle est? Il allait et venait comme un fou, et sa vieille nourrice semblait stupéfaite de le voir aussi agité, aussi peu maître de lui. « Après tout, dit-elle, rien ne prouve qu'elle n'ait pas flairé le piège, au dernier instant. Où serait-elle? Je l'ignore, peut-être chez Madame Kesselbach ?»« c'est vrai, tu as raison, » s'écria-t-il plein d'espoir soudain. Et il partit en courant vers la maison de retraite. Sur la route, près de la porte, il rencontra les frères Doudeville qui entraient chez la concierge, dont la loge avait vue sur la route, ce qui leur permettait de surveiller les abords de Lissine. Sans s'arrêter, il alla droit au pavillon de l'impératrice, appela Suzanne et se fit conduire chez Madame Kesselbach. « Geneviève, » dit-il. « Geneviève ? Oui, elle n'est pas venue. Non, voici même plusieurs jours. Mais elle doit venir, n'est-ce pas ? Vous croyez ? Mais j'en suis sûr. Voulez-vous qu'elle soit ? Rappelez-vous. J'ai beau chercher, je vous assure que Geneviève et moi, nous ne devions pas nous voir. » Et, subitement effrayé, « Mais vous n'êtes pas inquiet ? Il n'est rien arrivé à Geneviève. Non, rien. » Il était parti déjà. Une idée l'avait heurté. Si le baron Altenheim n'était pas à la villa de Lissine, si l'heure du rendez-vous avait été changée, il faut que je le voie, se disait-il, il le faut à tout prix. Et il courait, l'allure désordonnée, indifférent à tout. Mais, devant la loge, il recouvra instantanément son sang-froid. Il avait aperçu le sous-chef de la sûreté, qui parlait dans le jardin avec les frères Doudeville. S'il avait eu sa clairvoyance habituelle, il eût surpris le petit tressaillement qui agita M. Weber à son approche. Mais il ne vit rien. « Monsieur Weber, n'est-ce pas ? » dit-il. « Oui, à qui j'ai l'honneur ? Le prince Cernine. »« Ah, très bien. Monsieur le préfet de police m'a averti du service considérable que vous nous rendiez, monsieur. Ce service ne sera complet que quand j'aurai livré les bandits. »« Cela ne va pas tarder. Je crois que l'un de ces bandits vient d'entrer, un homme assez fort, avec un monocle. »« En effet, c'est le baron Altenheim. Vos hommes sont là, monsieur Weber ? » ?»« Oui, cachés sur la route, à 200 mètres de distance. »« Eh bien, monsieur Weber, il me semble que vous pourriez les réunir et les amener devant cette loge. De là, nous irons jusqu'à la villa. Je sonnerai. Comme le baron Altenheim me connaît, je suppose que l'on m'ouvrira, et j'entrerai avec vous. » « Le plan est excellent, » dit M. Weber. « Je reviens tout de suite. » Il sortit du jardin et s'en alla par la route, du côté opposé aux Lissines. Rapidement, Cernine empoigna l'un des frères Doudeville par le bras. « Cours après lui, Jacques. Occupe-le le temps que j'entre aux Lissines. Et puis, retarde l'assaut. » Le plus possible, avant des prétextes. Il me faut 10 minutes, qu'on entoure la ville là et qu'on n'y entre pas. Et toi, Jean, va te poster dans le pavillon Hortense, à l'issue du souterrain. Si le baron veut sortir par là, casse-lui la tête. » Les Doudeville s'éloignèrent. Le prince se glissa dehors et courut jusqu'à une haute grille blindée de fer qui était l'entrée de Lissine. Sonnerait-il ? Autour de lui, personne. D'un bond, il s'élança sur la grille en posant son pied au rebord de la serrure et s'accrochant au barreau. S'arc-boutant avec ses genoux, se hissant à la force des poignets, il parvint, au risque de retomber sur la pointe aiguë des barreaux, à franchir la grille et à sauter. Il y avait une cour pavée qu'il traversa rapidement, et il monta les marches d'un péristyle à colonnes, sur lequel donnaient des fenêtres qui, toutes, étaient recouvertes jusqu'aux impostes de volets pleins. Comme il réfléchissait aux moyens de s'introduire dans la maison, la porte fut entrebâillée avec un bruit de fer qui lui rappela la porte de la villa du pont, et Altenheim apparut. « Dites donc, prince, c'est comme cela que vous pénétrez dans les propriétés particulières ?»« Je vais être contraint de recourir aux gendarmes, mon cher. » Cernine le saisit à la gorge et le renversant contre une banquette. « Geneviève, où est Geneviève ? Si tu ne me dis pas ce que tu as fait d'elle, misérable ?»« Je te prie de remarquer, bégaya le baron, que tu me coupes la parole. » Cernine le lâcha. « Au fait, et vite, réponds, Geneviève !»« Il y a une chose, répliqua le baron, qui est beaucoup plus urgente. » Surtout quand il s'agit de gaga de notre espèce, c'est d'être chez soi. » Et, soigneusement, il repoussa la porte qu'il barricada de verrou. Puis, conduisant Cernine dans le salon voisin, un salon sans meubles, sans rideaux, il lui dit « Maintenant, je suis ton homme. Qu'y a-t-il pour ton service, prince ?»« Geneviève ? Elle se porte à merveille. »« Ah, tu avoues ? Parbleu ! Je te dirais même que ton imprudence à cet égard m'a étonné. Comment n'as-tu pas pris quelques précautions ? Il était inévitable. Assez ! Où est-elle ? Tu n'es pas poli. Où est-elle ? Entre quatre murs. Libre. Libre ? Oui, libre d'aller d'un mur à l'autre. Villa Dupont, sans doute. Dans la prison que tu as imaginée pour Steinweil. Ah, tu sais ? Non, elle n'est pas là. Mais où, alors ? Parle, sinon. Voyons, mon prince. Crois-tu que je serai assez bête pour te livrer le secret par lequel je te tiens ? Tu aimes la petite. Tais-toi ! S'écria Cernine hors de lui. Je te défends. Et après ? C'est donc un déshonneur ? Je l'aime bien, moi, et j'ai bien risqué. » Il n'acheva pas, intimidé par la colère effrayante de Cernine. Colère contenue, silencieuse, qui lui bouleversait les traits. Ils se regardèrent longtemps, chacun d'eux cherchant le point faible de l'adversaire. À la fin, Cernine s'avança, et d'une voix nette, un homme qui menace plutôt qu'il ne propose un pacte. « Écoute-moi, tu te rappelles l'offre d'association que tu m'as faite. L'affaire Kesselbach pour nous deux, on marcherait ensemble, on partagerait les bénéfices. J'ai refusé, j'accepte aujourd'hui. Trop tard. Attends, j'accepte mieux que cela, j'abandonne l'affaire. Je ne me mêle plus de rien, tu auras tout. Au besoin, je t'aiderai. La condition ? Dis-moi où se trouve Geneviève. » L'autre haussa les épaules. « Tu radotes, Lupin, ça me fait de la peine à ton âge. » Une nouvelle pause entre les deux ennemis. Terrible. Le baron ricana. « C'est tout de même une sacrée jouissance de te voir ainsi pleurnicher et demandant l'aumône. Dis donc, j'ai idée que le simple soldat est en train de flanquer une pile à son général. »« Imbécile !» murmura Cernine. « Prince, je t'enverrai mes témoins ce soir, si tu es encore de ce monde. »« Imbécile !» répéta Cernine avec un mépris infini. « Tu aimes mieux en finir tout de suite à ta guise, mon prince. Ta dernière heure est venue. Tu peux recommander ton âme à Dieu. Tu souris ? C'est un tort. J'ai sur toi un avantage immense. Je tue. Au besoin. »« Imbécile !» redit encore une fois Cernine. Il tira sa montre. « 2 heures, baron. Tu n'as plus que quelques minutes. » À 2h05, 2h10 au plus tard, M. Weber et une demi-douzaine d'hommes solides, sans scrupules, forceront l'entrée de ton repère et te mettront la main au collet. Ne souris pas à toi non plus. L'issue sur laquelle tu comptes est découverte, je la connais, elle est gardée. Tu es donc bel et bien pris. C'est l'échafaud, mon vieux. Altenheim était livide. Il balbutia. Tu as fait ça? Tu as eu l'infamie? La maison est cernée. L'assaut est imminent. Parle et je te sauve. Comment? Les hommes qui gardent l'issue du pavillon sont à moi. Je te donne un mot pour eux et tu es sauvé. Parle !» Altenheim réfléchit quelques secondes. Parut hésiter, mais soudain résolu déclara. « C'est de la blague. Tu n'auras pas été assez naïf pour te jeter toi-même dans la gueule du loup. Tu oublies Geneviève. Sans elle, crois-tu que je serai là? Parle !»« Non. Soit, attendons, » dit Cernine. « Une cigarette ?»« Volontiers. » Section 2. « Tu entends ?» dit Cernine après quelques secondes. « Oui, oui !» fit Altenheim en se levant. Des coups retentissaient à la grille. Cernine prononça. « Même pas les sommations d'usage, aucun préliminaire. Tu es toujours décidé ? Plus que jamais. Tu sais que, avec les instruments qu'ils ont, il n'y en a pas pour longtemps. Il serait dans cette pièce que je te refuserais. » La grille céda. On entendit le grincement des gonds. « Se laisser pincer, reprit Cernine, je l'admets, mais qu'on tente soi-même les mains aux menottes, c'est trop idiot. » « Voyons, ne t'entête pas, parle et file. »« Et toi ? Moi, je reste, qu'ai-je à craindre ?»« Regarde !» Le baron lui désignait une fente à travers les volets. Cernine y appliqua son œil et recula avec un sursaut. « Ah, bandit, toi aussi tu m'as dénoncé. Ce n'est pas 10 hommes, c'est 50, 100, 200 hommes que Weber amène !» Le baron riait franchement. « Et s'il y en a tant, c'est qu'il s'agit de Lupin, évidemment. Une demi-douzaine suffisait pour moi. »« Tu as prévenu la police ?»« Oui. » Quelle preuve as-tu donné? Ton nom. Paul Cernine, c'est-à-dire Arsène Lupin. Et tu as découvert ça tout seul, toi? Ce à quoi personne n'a jamais pensé. Allons donc, c'est l'autre, avoue-le. Il regardait par la fente. Des nuées d'agents se répandaient autour de la villa, et ce fut à la porte maintenant que des coups résonnèrent. Il fallait cependant songer ou bien à la retraite, ou bien à l'exécution du projet qu'il avait imaginé. Mais s'éloigner ne fût-ce qu'un instant, c'était laisser Altenheim. Et qui pouvait assurer que le baron n'avait pas à sa disposition une autre issue pour s'enfuir? Cette idée bouleversa Cernine. Le baron libre, le baron maître de retourner auprès de Geneviève et de la torturer, et de la servir à son odieux amour. Entravé dans ses desseins, contraint d'improviser un nouveau plan à la seconde même, et en subordonnant tout au danger que courait Geneviève. Cernine passa là un moment de la décision atroce. Les yeux fixés aux yeux du baron, il voulut lui arracher son secret et partir, et il n'essayait même plus de le convaincre, tellement toute parole lui semblait inutile. Et tout en poursuivant ses réflexions, il se demandait ce qui pouvait être celle du baron, quelles étaient ses armes, son espoir de salut. La porte du vestibule, quoique fortement verrouillée, quoique blindée de fer, commençait à s'ébranler. Les deux hommes étaient devant cette porte, immobiles. Le bruit des voix, le sens des mots leur parvenait. « Tu parais bien sûr de toi, » dit Cernine. Parbleu ! S'écria l'autre en lui donnant un croc en jambe qui le fit tomber, et en prenant la fuite. Cernine se releva aussitôt, franchit sous le grand escalier une petite porte par où Altenheim avait disparu, et, dégringolant les marches de pierre, descendit au sous-sol. Un couloir, une salle vaste et basse, presque obscure. Le baron était à genoux, soulevant le battant d'une trappe. « Idiot !» s'écria Cernine en se jetant sur lui. « Tu sais bien que nous trouverons mes hommes au bout de ce tunnel, et ils ont l'ordre de te tuer comme un chien, à moins que... à moins que tu n'aies une issue qui s'amorce sur celle-là. Et voilà, pardieu, j'ai deviné, et tu t'imagines ?» La lutte était acharnée. Altenheim, véritable colosse, doué d'une musculature exceptionnelle, avait ceinturé son adversaire, lui paralysant les bras et cherchant à l'étouffer. « Évidemment, évidemment !» articulait celui-ci avec peine. « Évidemment, c'est bien combiné. Tant que je ne pourrai pas me servir de mes mains pour te casser quelque chose, tu auras l'avantage. Mais seulement, pourras-tu ?» Il eut un frisson. La trappe qui s'était refermée, et sur le bâton de laquelle ils pesaient de tout leur poids, la trappe paraissait bouger sous eux. Ils sentaient les efforts que l'on faisait pour la soulever. Et le baron devait le sentir aussi, car il essayait désespérément de déplacer le terrain du combat pour que la trappe pût s'ouvrir. « C'est l'autre !» pensa Cernine avec la sorte d'épouvante irraisonnée que lui causait cet être mystérieux. « C'est l'autre. S'il passe, je suis perdu. » Par des gestes insensibles, Altenheim avait réussi à se déplacer et il tâchait d'entraîner son adversaire. Mais celui-ci s'accrochait par les jambes aux jambes du baron, en même temps que, peu à peu, il s'ingéniait à dégager une de ses mains. Au-dessus d'eux, de grands coups, comme des coups de bélier. « J'ai 5 minutes !» pensa Cernine. « Dans 1 minute, il faut que ce gaillard-là... » Et tout haut. « Attention, mon petit, tiens-toi bien !» Il rapprocha ses genoux l'un de l'autre avec une énergie incroyable. Le baron hurla, l'une de ses cuisses tordues. Alors, Cernine, mettant à profit la souffrance de son adversaire, fit un effort, dégagea sa main droite et le prit à la gorge. « Parfait ! Comme cela, nous sommes bien mieux à notre aise. Non, pas la peine de chercher ton couteau, sans quoi je t'étrangle comme un poulet. Tu vois, j'y mets des formes. Je ne sers pas trop. » Juste assez pour que tu n'aies même pas envie de gigoter. » Tout en parlant, il sortait de sa poche une cordelette très fine et, d'une seule main, avec une habileté extrême, il lui attachait les poignets. À bout de souffle d'ailleurs, le baron n'opposait plus aucune résistance. En quelques gestes précis, Cernine le ficela solidement. « Comme tu es sage à la bonne heure, je ne te reconnais plus. Tiens, au cas où tu voudrais t'échapper, voilà un rouleau de fil de fer qui va compléter mon petit travail. Les poignets d'abord, les chevilles maintenant. Ça y est. « Dieu, que tu es gentil !» Le baron s'était remis peu à peu. Il bégaya. « Si tu me livres, Geneviève mourra. »« Vraiment ? Et comment ? Explique-toi. »« Elle est enfermée. Personne ne connaît sa retraite. Moi, supprimée, elle mourra de faim, comme Steinweg. » Cernine frissonna. Il reprit. « Oui, mais tu parleras. Jamais. Si, tu parleras. Pas maintenant, c'est trop tard, mais cette nuit. » Il se pencha sur lui et, tout bas à l'oreille, il prononça. « Écoute, Altenheim, et comprends-moi bien. Tout à l'heure, tu vas être pincé. Ce soir, tu coucheras au dépôt. Cela est fatal, irrévocable. Moi-même, je ne puis plus rien échanger. Et demain, on t'emmènera à la santé. Et plus tard, tu sais où ? Eh bien, je te donne encore une chance de salut. Cette nuit, tu entends, cette nuit, je pénétrerai dans ta cellule, au dépôt, et tu me diras où est Geneviève. 2 heures après, si tu n'as pas menti, tu seras libre. Sinon, c'est que tu ne tiens pas beaucoup à ta tête. » L'autre ne répondit pas. Cernine se releva et écouta. Là-haut, un grand fracas. La porte d'entrée cédait. Des pas martelèrent les dalles du vestibule et le plancher du salon. Monsieur Weber et ses hommes cherchaient. « Adieu, baron. Réfléchis jusqu'à ce soir, la cellule est bonne conseillère. » Il poussa son prisonnier, de façon à dégager la trappe, et il souleva celle-ci. Comme il s'y attendait, il n'y avait plus personne en dessous, sur les marches de l'escalier. Il descendit, en ayant soin de laisser la trappe ouverte derrière lui, comme s'il avait eu l'intention de revenir. Il y avait 20 marches, puis, en bas, c'était le commencement du couloir que M. Lenormand et Gourel avaient parcouru en sens inverse. Il s'y engagea et poussa un cri. Il lui avait semblé deviner la présence de quelqu'un. Il alluma sa lanterne de poche. Le couloir était vide. Alors, il arma son revolver et dit à haute voix « Tant pis pour toi, je fais feu !» Aucune réponse, aucun bruit. « C'est une illusion sans doute, pensa-t-il. Cet être-là m'obsède. Allons, si je veux réussir et gagner la porte, il faut me hâter. Le trou dans lequel j'ai mis le paquet de vêtements n'est pas loin. Je prends le paquet et le tour est joué. Et quel tour ? Un des meilleurs de Lupin ! » Il rencontra une porte qui était ouverte et tout de suite s'arrêta. À droite, il y avait une excavation.